Lettre 43e. Les modes de Paris. Il faut être parisienne pour les porter. Magasin de nouveautés. Fleuriste. Élégance du goût des Parisiens. Bouquetière. Plus de rouge ni de faux cheveux. Quand vous réfléchissez que c'est une femme qui vous écrit, vous avouerez qu'elle ne vous accable point avec excès de la description des modes de Paris. Peut-être, au contraire, serez-vous plutôt disposé à vous plaindre de ce que, en traitant ce fertile sujet, elle se soit bornée jusqu'ici à vous parler du costume historique et bizarre des républicains. L'extérieur des personnes et tout ce qui s'y rapporte n'en est pas moins un des traits les plus importants de l'histoire journalière de cette brillante ville, et quoique, sous ce rapport, elle soit devenue le modèle du monde entier, elle trouve moyen toutefois de conserver pour elle seule un air, une apparence, et de faire un effet que les autres peuples chercheraient en vain à imiter. Partout vous trouvez des modes françaises, mais c'est à Paris seul que vous les voyez portées par des femmes françaises. Le dôme des Invalides, les tours de Notre-Dame, la colonne de la place Vendôme, les moulins de Montmartre, ne présentent pas à l'esprit une idée plus essentiellement caractéristique de Paris que ne le fait l'aspect des bonnets, des chapeaux, des fichus, des châles, des tabliers, des ceintures, des boucles, des gants, mais surtout des souliers et des bas, lorsqu'ils sont portés dans Paris par des Parisiennes. C'est en vain que toutes les femmes de la terre viennent à ce marché d'élégance, et qu'elles y arrivent avec assez d'argent pour se couvrir des pieds jusqu'à la tête de tout ce qu'elles trouvent de plus riche et de meilleur. C'est en vain qu'une de ces femmes appelle à son secours toutes les tailleuses, coiffeuses, modistes, couturières, cordonnières et lingères de la ville, tout l'avantage qu'elle recueillera de sa peine, après qu'elle aura acheté, fait faire et mis tout ce qu'on lui aura indiqué, sera d'entendre une grisette dire à l'autre dans la première boutique où elle entrera « Cette dame anglaise désire telle ou telle chose, et cela avant que la pauvre femme ait eu le temps de dire un mot qui ait pu la faire reconnaître à son accent. » Et ce ne sont pas seulement les Français qui nous reconnaissent avec cette facilité, car alors on pourrait croire que cela tient à quelques signes maçonniques dont ils se servent entre eux. Non, ce qu'il y a de plus malheureux, c'est que nous nous reconnaissons les uns les autres dès le premier moment. Il suffit d'un coup d'œil pour se dire à soi-même, avec la rapidité de la pensée, « Voilà un Anglais, voilà une Anglaise ». Il est fort singulier que les manières, la tenue, la démarche, l'expression des mouvements, et si je puis m'exprimer ainsi, des membres, soit à la fois si remarquable et si impossible à imiter. Tout cela n'a rien de commun avec les différences nationales des yeux et du teint, car l'effet en est tout aussi marquant et peut-être encore plus quand on marche derrière une personne que quand on va au-devant d'elle. Il règne dans chaque pli, dans chaque épingle, dans chaque attitude, dans chaque geste. Si je pouvais vous expliquer à quoi tient cet effet, j'en aurais peut-être rendu l'imitation beaucoup moins impossible. Mais maintenant qu'après 9 ans d'épreuve, cette impossibilité est généralement reconnue, vous ne pouvez attendre de moi un pareil éclaircissement. Tout ce que je puis faire est de vous donner sur la toilette les détails qui sont intelligibles à tout le monde, sans prétendre aller jusqu'à l'effet qui est la partie occulte et mystérieuse du sujet. Pour parler le langage des marchandes de mode, je dirais que les femmes s'habillent beaucoup mieux à Paris qu'à Londres. Je ne crois pas qu'il y ait une Française qui, après avoir déposé son négligé du matin, croirait devoir, pendant la saison des réunions, changer de toilette 4 fois par jour, comme le font à Londres certaines dames que je connais. Je ne crois pas non plus que la petite maîtresse la plus recherchée s'imagina manquer aux convenances envers les personnes de sa maison si elle se mettait à table avec la même robe qu'elle portait 3 heures auparavant. Les seuls objets de luxe féminin qui soient ici d'un usage plus général que chez nous sont les châles de cachemire. Le trousseau d'une jeune mariée doit nécessairement renfermer au moins un de ces moelleux tissus, et j'ai lieu de croire que c'est précisément là la partie du présent qui fait souvent oublier le futur. Sous tous les autres rapports, les objets nécessaires à la toilette des femmes françaises du bon ton entrent aussi dans celle d'une anglaise. Les bijoux et ornements d'or de toute espèce sont d'un usage plus général chez nous. Le costume qu'une jeune Anglaise met pour aller dîner en ville est à peu près celui qu'une Française porte au bal, et le costume de dîner le plus élégant de Paris est exactement le même que celui de l'opéra. Il y a, dans tous les quartiers de la ville, un grand nombre de fort beaux magasins de nouveautés, dans lesquelles une femme peut trouver à satisfaire tous ses désirs sous le rapport de la toilette. Et il y a des coiffeuses et des modistes très adroites qui savent parfaitement fabriquer et recommander tous les produits de leur art éblouissant. Mais il n'y a pas de Howell ou de James où se rassemblent à point nommé toutes les belles dames de Paris. Point de réunion de grands laquais étendus sur des bancs devant les portes des magasins et faisant aux personnes l'office d'enseigne, pour leur apprendre combien de chalands sont en ce moment occupés à acheter les précieuses marchandises que ce lieu renferme. Les magasins sont en général beaucoup moins vastes que chez nous, ou bien, quand ils s'étendent en longueur, ils ressemblent plutôt à des dépôts. On n'étale pas en montre, ou pour servir de décoration, à beaucoup près autant de marchandises qu'en Angleterre, si ce n'est dans les boutiques de porcelaine ou de bronze doré. Partout où les objets peuvent être exposés à l'air sans risque d'être détériorés, on en étale un grand nombre. Mais à tout prendre cependant, les magasins n'offrent pas ici une aussi grande apparence de capitaux employés au commerce que chez nous. La disposition pleine d'élégance des fleurs exposées en vente ajoute considérablement à la gaieté et à l'agrément des rues. Tout le long des boulevards et dans chacun des brillants passages dont Paris est maintenant coupé dans toutes les directions, on n'a qu'à fermer les yeux pour se croire dans un délicieux parterre, et même quand on les rouvre, si l'illusion se dissipe, on retrouve quelque chose de presque aussi joli à la place. Nonobstant la multitude des abominations qui remplissent les rues, l'air de prison qu'offrent les salons de Paris et le détestable escalier commun qu'il faut monter pour y arriver, le peuple français a une élégance de goût et un amour de ce qui est gracieux que l'on ne rencontre nulle autre part. Ces qualités ne sont pas les attributs exclusifs des spacieux hôtels des grands et des riches. On en reconnaît des traces jusque dans les dernières classes de la société. La manière dont une vieille fruitière en plein vent noue les paquets de cerises qu'elle vend aux enfants pour un sou pourrait servir de leçon aux plus habiles décorateurs de nos tables. Une touffe de violette, d'un prix assez modique pour être à la portée de la moindre soubrette de Paris, est arrangée avec une grâce qui la rend digne d'être portée par une duchesse. Et j'ai vu le mince fond de commerce d'une fleuriste, qui n'avait d'autre pavillon qu'un arbre et le ciel azuré, étalé avec un si heureux mélange de couleurs et de formes, que je me suis arrêté à le contempler avec plus de plaisir que je n'en ai éprouvé à regarder le palais de Flore dans le King's Road. Après tout, je suis porté à croire que cet art mystérieux de toilette dont j'ai parlé dépend probablement de cet instinct de bon goût naturel et inné. Il y a une convenance, une sorte d'harmonie, dans les différentes parties dont l'ensemble forme la toilette d'une femme, que l'on reconnaît dans les foulards aux teintes brillantes, avec les fichus et les tabliers assortis, aussi bien que dans les plus élégants chapeaux des Tuileries. La phrase expressive dont ils se servent en parlant d'une femme bien mise, elle est faite à peindre, peut s'appliquer à la paysanne comme à la princesse, car la même délicatesse les inspire à leur insu même l'une et l'autre. C'est ce sentiment national qui fait que les groupes, les corps de ballet et tout ce qui dans le théâtre forme tableau est si fort supérieur en France à ceux de tous les autres pays. Dans ces occasions, une seule erreur quant aux couleurs, aux contrastes et aux positions détruit toute l'harmonie et enlève le charme. Mais vous voyez les pauvres petites filles qui, pour quelques sous par soirée, jouent les rôles d'ange et de grâce, se mettre en position sur la scène avec un instinct aussi sûr que celui qui pousse une troupe d'oies sauvages à fendre les airs en phalanges triangulaires, au lieu de s'éparpiller vers tous les points de la boussole, comme on le voit faire souvent à nos figurants quand ils ne sont pas tenus en ordre par le maître de ballet avec autant de soin qu'un chasseur qui rassemble sa meute. Je ne saurais dire combien je suis charmé de voir que le rouge est complètement passé de mode. Je ne prétends pas dire qu'il n'y ait pas par-ci par-là de beaux yeux, dont l'éclat ne soit augmenté par une légère nuance de rose adroitement appliquée au-dessous. Mais quand cela se fait si bien qu'on ne le remarque que par le bon effet qui en résulte. Et c'est là une prodigieuse amélioration quand on le compare à la mode, encore fraîche dans ma mémoire, de larder les joues des femmes jeunes et vieilles à un point réellement effrayant. Il y a encore une autre amélioration que j'admire beaucoup, c'est que le plus grand nombre de femmes âgées ont renoncé à porter de faux cheveux et qu'elles arrangent leurs propres cheveux blancs avec toute la grâce et tout le soin possible. L'effet en est extrêmement favorable à l'ensemble de leur apparence. La nature arrange toujours mieux les choses pour nous que nous ne le pouvons faire nous-mêmes, et l'aspect d'un vieux visage entouré d'une profusion de boucles noires, brunes ou blondes est infiniment moins agréable que quand il n'a pour ornement que la chevelure blanche ou grise qui lui appartient. J'ai entendu remarquer, et avec beaucoup de raison, que le rouge ne seyait bien qu'à celle qui n'en avait pas besoin, et cette observation est tout aussi vraie à l'égard des faux cheveux. Dans le nombre des coiffures du noir le plus brillant que j'ai vu ici, il y en avait quelques-unes dont la quantité de cheveux ne pouvait certainement pas être le produit d'une seule tête. Mais quand cet édifice surmonte de jeunes traits qui ont des droits à tout ce que l'art du coiffeur peut inventer pour les décorer, l'effet n'a rien d'incongru ni de désagréable. Pourtant, à mon avis, c'est toujours dommage d'orner par un art trompeur les charmes naturels d'une jeune tête. Messieurs les fabricants de faux cheveux ne seront pas fort contents de moi car, après avoir interdit leur usage aux vieilles femmes, voilà que je désapprouve leur usage pour les jeunes aussi. Au reste, tout ce que je puis ajouter concernant la toilette, c'est que nos dames ne doivent plus espérer de trouver ici à bon marché les objets dont elles auront besoin. Tous, au contraire, sont devenus beaucoup plus chers qu'à Londres, et ce qui doit en outre les empêcher de faire ici des emplettes de ce genre, c'est que toutes les différentes fabriques que nous avions coutume de considérer comme supérieures aux nôtres, particulièrement celles de soie rillée de gants, leur sont maintenant, selon moi, évidemment inférieures en qualité. Et les objets que l'on peut encore acheter au même prix qu'en Angleterre sont trop mauvais pour qu'on puisse s'en servir. Les seules emplettes que je serais bien aise de faire ici pour les rapporter chez moi, ce sont des porcelaines. Mais c'est à quoi le tarif de notre douane ne permet pas de penser, et elle a raison. Car sans cela, nos Wedgwood et nos Mortlake ne vendraient guère d'objets d'ornement. Non seulement leurs prix sont plus élevés, mais la matière première et le travail sont à mon avis très inférieurs. Il faut convenir qu'il est flatteur pour le patriotisme de pouvoir dire avec sécurité qu'à l'exception des objets que je viens de citer et de quelques autres superfluités de luxe telles que les pendules d'albâtre, les bronzes et les dorures, il n'y a rien que nous puissions désirer d'introduire en fraude dans notre riche pays.